Voici votre bulletin régional. Souper de fèves au lard et jambon le 12 mai à 17h30 à la salle des chevaliers de colons de Hastings. Au centre culturel de Hastings, au 288 rue Maple, soirée d'information du regroupement des caisses des jardins le 12 mai à 19h.